La cité nous rend maladif. C'est les ronds qui feront la diff. On est tous sopés pour la teuf. On kiffe le 13 mais on veut sortir de la ville. La même gomme pêche depuis la poussette. Le jack des coca dans la potion. Pour faire les sous on a la recette. Que des vaillants on cochera toutes les missions. Musique à fond dans la caisse. L'acharnement parle. Qui dit bonne nouvelle, dit bonne quicheta. Allô ma belle, coca son scap. Le job m'appelle, j'dois monter sur Panam. Pour faire du bif il faut du buzz. Mais pour faire du buzz il faut du bif. Les mappés ça attire les meufs. Mais moi j'donnerai tout à ma mif. J'vois l'assassin me téléphoner. Pendant que j'suis calé dans le sauna. J'reste le même, j'fais pas la folie. Demande à sauce, t'es comment l'Olympia. J'vois l'assassin me téléphoner. Pendant que j'suis calé dans le sauna. J'reste le même, j'fais pas la folie. Demande à moi, t'es comment l'Olympia. La cité nous rend maladif. C'est les ronds qui feront la diff. On est tous sopés pour la teuf. On kiffe le 13 mais on veut sortir de la ville. La même gomme pêche depuis la poussette. Le jack des coca dans la potion. Pour faire les sous on a la recette. Que des vaillants on cochera toutes les missions. Wesh, Calimero sort de sa coquille. J'suis dans le OG, j'm'en bats les steaks. J'ai que les liasses dans la rétine. J'ai débarqué dans ce foutu game. Récupérez-moi parce que j'ai maintenant. J'le voulais quand j'avais la tétine. J'sais quand t'es ton enfoiré. Comme quand tes plans me gagnent. J'suis quand j'débarque dans ta soirée. J'arrive comme soirée, j'évolue dans la durée. Quand j'ai la balle, c'est sûr qu'elle finit en lucarne dans la foulée. Ouais, ouais, cocktail molotov. J'me relaxe dans une île, j'pense même pas à faire des torts. Que ça me stoppe, il veut me vendre sa cush. I don't smoke weed, y'a que des quiches, t'as dans la sacoche. C'est Snapchat. Au fil avec le couze du 12. J'lui dis qu'ici j'suis tarpé un pépère y'a que des V12. De retour au 13, j'vois l'ami de Miami. J'arrive dans le studio et j'tape la bise à Bengouz. J'vois l'assassin me téléphoner. Pendant que j'suis calé dans le sauna. J'reste le même, j'fais pas la folie. Demande à sauce, t'es comment l'Olympia. J'vois l'assassin me téléphoner. Pendant que j'suis calé dans le sauna. J'reste le même, j'fais pas la folie. Demande à moi, t'es comment l'Olympia. La cité nous rend maladif. C'est les ronds qui feront la diff. On est tous sopés pour la teuf. On kiffe le 13 mais on veut sortir de la ville. La même gomme pêche depuis la poussette. Le jack des coca dans la potion. Pour faire les sous on a la recette. Que des vaillants on cochera toutes les missions.